89.1. Le vendredi 28 avril, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, se dit ouvert à l'idée de tenir une commission parlementaire sur les notes gonflées dans les écoles secondaires. L'exercice réclamé par l'opposition aurait pour objectif de faire la lumière sur cette pratique qui consiste à manipuler les résultats des étudiants lors des examens ministériels. Selon un sondage de la Fédération autonome de l'enseignement, un prof sur deux au secondaire affirme que la note de certains de leurs élèves a été majorée sans leur consentement pour que ceux-ci obtiennent la note de passage. Le ministre Proulx a par la suite confirmé qu'un tel logiciel relevait automatiquement les notes de 58 et de 59 % pour les faire passer à 60 % lors des épreuves nationales. L'année 2016 a coûté la vie à 14 personnes sur leur lieu de travail dans la région de la Capitale-Nationale, en plus de 24 personnes décédées dans la région de Chaudière-Appalaches. Ce sont les chiffres de la Commission des normes du travail qui souligne aujourd'hui le jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail. Le drapeau du Québec est d'ailleurs en berne à l'Assemblée nationale pour cette occasion. Heureusement, la tendance est à la baisse avec une diminution de 40 % du nombre d'accidents de travail au cours des 15 dernières années au Québec. Une voie sera retirée aux automobilistes sur la rue Dalhousie au profit d'une piste cyclable qui sera effective dès le 31 mai. Selon le quotidien Le Soleil, la décision a été prise par la Ville de Québec de créer un sens unique en direction ouest dans le secteur de la nouvelle place des Canotiers. Ce scénario a été préféré à celui du passage des cyclistes à même la partie gazonnée qui aurait entraîné des enjeux de sécurité avec les piétons et les flâneurs. Mentionnons que l'endroit est emprunté en moyenne par 2 à 3000 cyclistes par jour en période estivale, un chiffre qui est appelé à croître avec l'arrivée de la nouvelle place publique. Et ce même secteur de la rue Dalhousie a été la proie des eaux du Saint-Laurent en début de journée. Le fleuve a débordé pour la deuxième fois de suite en raison de l'effet combiné de la marée et des forts vents. Le secteur a été fermé à la circulation pendant de longues heures en matinée. Et c'est une rare marque d'humilité dont Donald Trump a fait preuve alors qu'il célébrera demain ses 100 jours à la Maison-Blanche. Le président américain admet candidement dans une entrevue à l'agence Reuters qu'il a sous-estimé la complexité de sa fonction. Il y a quelques jours, il avait d'ailleurs minimisé l'importance de cette marque symbolique des 100 jours au pouvoir, la qualifiant de ridicule sur le réseau Twitter. Depuis le 20 janvier dernier, M. Trump a nommé un juge à la Cour suprême et entrepris de réduire le fardeau fiscal des entreprises et de la classe moyenne. Il a néanmoins multiplié les échecs, notamment sur l'immigration et la réforme de l'assurance maladie. Printemps, été, automne, hiver, météo. C'est une faible bruine qui s'abat présentement sur Québec. On prévoit quelques averses en mi-journée qui vont cesser cet après-midi. Il y aura par la suite dégagement. C'est venteux avec 20 km/h et des rafales à 40 cet après-midi. Un maximum de 18 pour aujourd'hui, vendredi. Pour la fin de semaine, 15 degrés samedi avec 40 % de probabilité d'averses, 11 degrés et beaucoup de soleil dimanche. Présentement à Québec, on a 5 degrés.